Yeah, yo. Yeah, yo. Danascora. Danascora. Yeah, yo. Yeah, yo. Les loups mangent les brebis, ça on le sait. Alors, on mange ou tu manges? Le game n'est pas un jeu, oui en effet. Alors, on game ou tu tranches? Maman t'inquiète pas, papa t'inquiète pas. Ton fils est un soldat, j'ai un prolique sous les draps. Ça fait 6 piges que je rappe, j'suis pas débutant, j'suis pas débutant. À 18h sur le raté, on siffle la mi-temps, on siffle la mi-temps. Gros mytho, c'est l'heure du vengeur, faut se lever tôt, faut se lever tôt. J'entraîne pas les petits frères à devenir des grands gangsters. La rue c'est pas un jeu, on t'oublie des comptes en terre. La rare est magique, attends arrête la zic. BBV du jab, et verse la romagie, et verse la romagie. Nique ta carotte, les coqs, ça mange du blé, ça mange pas de carotte. Faut que l'impila, faut que l'impila. Un keuf qui saigne, c'est un plat au crâne, ta fille de fila. Faut que les cisera, faut que les cisera. Un noir qui saigne, c'est le Milan AC Kefarachi. Mama t'inquiète pas, papa t'inquiète pas. Mama t'inquiète pas, papa t'inquiète pas. Mama t'inquiète pas, papa t'inquiète pas. Mama t'inquiète pas, papa t'inquiète pas. Siko t'inquiète pas, Madran t'inquiète pas. Les gars quoi qu'il arrive, Niska reconnaîtra. L'hypocrisie de l'homme n'a jamais payé, n'a jamais payé. MS et Negro dit depuis le noyau, depuis le noyau. On ne mélange pas le caviar et le pondo. J'suis en conférence avec Obama et mon poteau. Quand j'garcine là, c'est qu'on critère se répéter. Il n'y aura qu'une sommation, car j'ai horreur de me répéter. Pour savoir qui je suis, faudra m'analyser. Fuck Mona Lisa, j'suis en location sur les Champs-Élysées. On additionne que les vrais, demande à Divis. Ça c'est ma devise. Sur l'axe, à la proche, même ça récidivise. Mama t'inquiète pas, papa t'inquiète pas. Mama t'inquiète pas, papa t'inquiète pas.